Chapitre 5 La petite maison. Tout le monde a entendu parler de la petite maison des jardins de Kensington, qui est la seule maison au monde que les fées aient bâtie pour les hommes. Mais personne ne l'a réellement vue, à part trois ou quatre privilégiés, qui non seulement l'ont vue, mais encore y ont couché. Et à moins d'y coucher, vous ne la verrez jamais. En effet, elle n'y est pas quand vous êtes couché, mais elle y est quand vous vous éveillez et que vous sortez. D'une certaine façon, tout le monde peut la voir, mais ce que l'on voit en réalité, ce n'est pas elle. C'est seulement la lumière qui vient de ses fenêtres. On voit la lumière après la fermeture. David, par exemple, l'a vue très distinctement au loin, à travers les arbres, comme nous rentrions chez nous en revenant de la pantomime. Et Olivier Bailey l'a vue la nuit où il est resté si tard au temple. C'est le nom du bureau de son père. Angèle Clare, qui aime se faire arracher des dents parce que chaque fois on l'amène prendre du thé dans une boutique, a vu plus d'une lumière. Elle en a vu des centaines à la fois. Ce devait être les fées en train de bâtir la maison, car elles la construisent chaque nuit et toujours dans un endroit différent des jardins. Il lui sembla que l'une des lumières était plus haute que les autres, mais elle n'en est pas tout à fait sûre, car les lumières sautaient. Et il peut se faire qu'une autre ait été plus haute que celle-là. Mais s'il y en avait une, c'était la lumière de Peter Pan. Une foule d'enfants ont vu la lumière, de sorte que ce détail n'a plus d'importance. Mais Mamie Mannering fut la fameuse petite fille pour qui la maison fut construite la première fois. Mamie était plutôt une étrange petite fille, et c'est la nuit qu'elle était étrange. Elle avait 4 ans, et le jour, elle était comme tout le monde. Elle était heureuse quand son frère Tony, un magnifique gaillard de 6 ans, faisait attention à elle et lui donnait raison. Elle s'efforçait en vain de l'imiter, et était plus flattée que fâchée quand il lui donnait une poussée. Ou encore, quand elle servait au jeu de balle, elle s'arrêtait, quoique la balle fût en l'air, pour vous faire remarquer qu'elle portait des souliers neufs. Le jour, donc, elle était absolument comme toutes les autres. Mais quand tombaient les ombres de la nuit, Tony, le glorieux Tony, cessait de mépriser Mamie et la regardait avec crainte. Et ce n'est pas étonnant, car avec la nuit, son regard prenait une expression que je ne puis caractériser que par le mot d'extraordinaire. Et c'était un regard serein qui contrastait avec les regards gênés de Tony. Alors il voulait lui faire cadeau de ses jeux favoris, qu'il lui aurait d'ailleurs repris le lendemain, et elle les acceptait avec un sourire troublant. Or, s'il devenait si aimable et elle si mystérieuse, c'était en résumé parce qu'il savait que le moment était venu où l'on allait les envoyer au lit. C'était alors que Mamie était terrible. Tony la suppliait de ne pas le faire cette nuit. Sa mère et leur nourrice aux belles couleurs la menaçaient, mais Mamie se contentait de sourire, de son sourire inquiétant. Et bientôt, quand ils étaient seuls, la veilleuse allumée, elle se levait sur le lit en criant « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Tony la suppliait « Ce n'est rien, je t'en prie, Mamie, ce n'est rien !» Et il mettait sa tête sous la couverture. Et elle, de crier, elle s'approche « Oh, regarde, Tony !» Elle touche ton lit avec ses cornes. Elle va te transpercer. Oh, Tony, oh! Et elle ne s'arrêtait pas jusqu'à ce qu'il se précipitât en bas en poussant des cris. Et quand on montait pour fouetter Mamie, on la trouvait régulièrement en train de dormir, non pas de faire semblant, notez bien, mais de dormir vraiment, pareil au plus joli des petits anges, et il me semble bien que personne ne s'acquitte mieux que les anges de cette tâche. Mais naturellement, c'était pendant le jour qu'ils étaient dans les jardins, et alors Tony parlait avec assurance. On pouvait conclure de ses discours qu'il était un petit garçon très brave, et personne n'en était aussi fier que Mamie. Elle aurait aimé porter un écriteau disant qu'elle était sa sœur. Et jamais elle ne l'avait tant admirée que quand il lui dit, comme il l'avait fait souvent avec une magnifique assurance, qu'un jour il s'arrangerait pour rester dans les jardins après la fermeture des portes. « Oh, Tony !» lui aurait-elle dit avec un respect profond, « les fées en seraient si fâchées !»« Je le pense bien, » dit-il avec insouciance. « Qui sait ? » dit-elle en frissonnant, « si Peter Pan ne t'emporterait pas dans sa barque ?»« J'irai volontiers avec lui, » répliqua Tony. Il n'est pas étonnant après cela qu'elle fût fière de lui. Mais il n'aurait pas dû parler si haut, car un jour ils furent entendus par une fée qui était en train de ramasser des squelettes de feuilles avec lesquelles ce petit peuple tissait ses rideaux d'été. Dès ce moment, Tony fut désigné à leur vengeance. Quand il allait s'asseoir sur les barres de clôture, elles écartaient la barrière, de sorte qu'il tombait sur la nuque. D'autres fois, elles le faisaient chavirer en le tirant par le lacet de son soulier. Elles corrompaient les canards pour les engager à couler son bateau. Presque tous les accidents désagréables qui vous arrivent dans les champs viennent de ce que les fées vous en veulent. Voilà pourquoi vous devez être très attentif à la façon dont vous parlez d'elles. Mamie était une de ces personnes qui aiment bien fixer une date à chaque action. Mais Tony n'était pas du tout comme elle, et quand elle lui demanda quel jour il comptait rester dans les jardins après la fermeture, il répondit simplement « un de ces jours ». Il était très indécis sur le choix du jour, sauf quand elle lui demandait « est-ce pour aujourd'hui ?» Alors il n'hésitait pas à répondre « non ». Elle comprit enfin qu'il attendait une bonne occasion. Ceci nous amène à un après-midi où le jardin était blanc de neige et l'étang couvert de glace. La glace n'était pas assez épaisse pour y patiner, mais du moins on pouvait s'amuser à y lancer des pierres, et plusieurs aimables enfants, petits garçons et petites filles, ne s'en privaient pas. Quand Tony et sa sœur arrivèrent, ils voulurent aller droit à l'étang. Mais leur gouvernante leur dit qu'ils devaient d'abord se réchauffer par une marche vive. En disant cela, elle jeta un coup d'œil au tableau pour voir à quelle heure les jardins se fermaient ce jour-là. Le tableau indiquait 5h30. Pauvre gouvernante, c'était une de ces femmes heureuses de voir tant de beaux enfants dans le monde. Mais elle ne devait pas rire beaucoup ce jour-là. Ils partirent donc pour l'allée des bébés et en revinrent. Mais en voyant de nouveau le tableau des heures, la gouvernante fut surprise de voir qu'il marquait maintenant 5 heures pour la fermeture. Elle n'était pas au courant des mauvais tours des fées, de sorte qu'elle ne remarqua pas, comme Mamie et Tony le virent à l'instant, que c'était elle qui avait changé l'heure, parce que ce soir-là, il devait y avoir un bal. Elle dit donc qu'on n'avait plus que le temps de monter jusqu'au sommet de la bosse et d'en redescendre. Et pendant qu'ils y allaient avec elle, elle ne se doutait pas le moins du monde de ce qui faisait tressaillir leur cœur d'enfant. Il se présentait une occasion de voir un bal de fées. Tony comprit que jamais il ne pouvait en espérer une meilleure. Il devait le sentir. Mais Émile le sentait si bien pour lui. Ses yeux ardents lui adressaient la question « Est-ce pour aujourd'hui ?» Il respira bruyamment et fit un signe affirmatif. Mamie glissa sa main dans celle de Tony. Celle de la fillette était brûlante, mais celle de Tony était froide. Elle fit une chose très gentille. Elle retira son écharpe et la lui passa en disant « Au cas où tu aurais froid ». Sa figure était enflammée, mais celle de Tony était maussade. Comme il faisait le tour de la bosse, il lui chuchota à l'oreille. « J'ai peur que Boba ne me voie. Je ne pourrai pas le faire. » Mais il admira plus que jamais de voir qu'il n'avait peur que de sa bonne, alors qu'il y avait à craindre tant de terribles choses inconnues. « Tony, je te défie à la course jusqu'aux portes. » Puis à voix basse, « Alors tu pourras te cacher. » Ils se mirent donc à courir. Tony pouvait toujours la dépasser facilement, mais jamais elle n'aurait soupçonné qu'il pût atteindre une pareille vitesse, et elle était sûre que s'il allait si vite, c'était afin d'avoir plus de temps pour se cacher. « Bravo, bravo !» criait-elle, en le regardant avec attendrissement, lorsque tout à coup, elle eut une cruelle déception. Au lieu de se cacher, Tony avait dépassé les portes. À ce triste spectacle, elle s'arrêta court, comme si elle venait d'épuiser tous ses trésors de tendresse, et ce n'est que son profond dédain qui l'empêcha de sangloter. Transportée d'indignation contre cette flagrante couardise, elle courut au puits de Saint-Govor et s'y cacha à la place de Tony. Quand la gouvernante fut arrivée à la porte, voyant au loin Tony devant elle, elle crut que l'autre enfant était avec lui et elle sortit du jardin. Le crépuscule s'étendait sur les jardins et beaucoup de personnes sortaient en se pressant. La dernière passa, mais Mamie ne les vit pas. Elle avait les yeux fermés, pleins de larmes amères. Quand elle les ouvrit, un froid glacial courut sur ses membres et s'abattit sur son cœur. C'était le morne silence des jardins. Puis elle entendit « clon, clon » et encore « clon, clon » et de tous les côtés ce son lugubre arriva. C'était la fermeture. Dès que le dernier son de cloche se fut éteint, Mamie entendit distinctement une voix qui disait « Alors tout va bien ». C'était un bruit de bois qui semblait venir d'en haut, et levant les yeux, elle vit distinctement un peuplier qui s'étirait les bras en bâillant. Elle était sur le point de dire « Je ne savais pas que vous parliez ». Lorsqu'une voix métallique qui paraissait partir de l'orifice du puits dit au peuplier « Il doit faire assez frais là-haut », à quoi le peuplier répondit « Pas trop, mais on est vraiment engourdi de se tenir si longtemps sur un seul pied ». Et il agita vigoureusement ses bras, comme font les cochers avant de se mettre en route par un temps glacial. Mamie était très surprise de voir que plusieurs autres grands arbres faisaient de même. Étant allée insensiblement du côté de l'allée des bébés, elle se glissa sous un yeuse de Minorque qui secoua ses épaules sans faire attention à elle. Elle n'avait pas du tout froid. Elle portait une pelisse d'une couleur roussâtre, le capuchon sur la tête, de sorte que l'on ne pouvait voir que son bon petit visage et ses boucles. Tout le reste était si bien caché dans tant de chauds vêtements qu'elle avait plutôt l'air d'une boule mouvante. Elle avait environ 40 pouces de tour de taille. Il se passait bien des choses à l'allée des bébés, où Mamie arriva à temps pour voir un magnolia et un lilas de Perse traverser la barrière et partir pour une longue promenade. Ils avançaient à la vérité par saccades, mais c'était parce qu'ils portaient des béquilles. Une branche de sureau clopinait sur l'allée et causait avec de jeunes coings. Tous allaient sur des béquilles. Ces béquilles, c'étaient les tuteurs que l'on met aux arbustes et aux jeunes plantes. C'étaient là des objets très familiers à Mamie. Mais jusqu'à cette nuit, elle n'avait jamais su à quoi ils servaient. Sortant de sa cachette, elle se montra sur la route et vit la première fée. Elle avait l'air d'un petit garçon des rues, courant sur la route en côtoyant les saules. Voici ce qu'elle faisait. Elle pressait un ressort sur le tronc des arbres, et ceux-ci se fermaient comme des parapluies, couvrant de neige les pauvres petites plantes qui étaient derrière eux. « Oh, le méchant, méchant enfant !» s'écria Mamie indignée, car elle savait ce que c'est que d'avoir un parapluie ruisselant sur la tête. Fort heureusement, la cruelle créature était déjà trop loin pour l'entendre. Mais un chrysanthème l'entendit et dit si distinctement « Oïti toïti, qu'est-ce que cela ?» qu'elle dut sortir et se montrer. Alors tout le règne végétal fut très embarrassé et ne sut plus que faire. Après avoir chuchoté avec ses voisins, un fusain dit « Sans doute, cela ne nous regarde pas, mais vous savez très bien que vous ne devriez pas être ici. Notre devoir serait peut-être de vous remettre entre les mains des fées. Qu'en pensez-vous ? » « Je pense que vous ne devez pas faire cela, » répondit Mamie. Ils furent si étonnés de sa réponse qu'ils dirent avec vivacité qu'il n'y avait pas à raisonner avec elle. « Je ne vous l'aurais pas demandé, » leur déclara-t-elle, « si je le croyais déraisonnable. » Après cela, naturellement, ils ne pouvaient pas la dénoncer. Alors, pour dire quelque chose, ils dirent « Ainsi va le monde » et « Ce que c'est que de nous, car ils savent être affreusement sarcastiques quand ils veulent. » Elle plaignait sincèrement ceux d'entre eux qui n'avaient pas de béquilles, et elle dit sans façon « Avant d'aller au bal des fées, je voudrais vous faire faire à chacun une petite promenade. Vous pouvez vous appuyer sur moi, ne vous gênez pas. » À cette proposition, ils battirent des mains. Elle les conduisit donc un à un jusqu'à l'allée des bébés et les ramena à leur place en soutenant les plus frêles du doigt ou de la main et en redressant les jambes de ceux qui étaient par trop ridicules. Traitant les étrangers aussi poliment que les Anglais, bien qu'elle ne pût comprendre un seul mot de ce qu'ils disaient. Ils se conduisirent bien en général. Quelques-uns cependant boudèrent, sous prétexte qu'elle ne les avait pas conduits aussi loin que Nancy, que Grace et que Dorothée. D'autres les gratinières, mais c'était sans le vouloir, et elle était trop grande dame pour pleurer. À tant marché, elle se fatigua. Elle était impatiente d'aller au bal, mais elle n'était plus effrayée. Si elle n'avait plus peur, c'est qu'à présent il faisait nuit. Et vous vous souvenez que dans l'obscurité, Mamie était extraordinairement brave. Maintenant, il n'osait pas la laisser partir. « Si les fées vous voient, lui disait-il, elles vous feront du mal, elles vous blesseront mortellement ou vous obligeront à soigner leurs enfants. Ou bien encore, elles vous changeront en quelque chose d'ennuyeux comme un chêne vert. » En disant cela, il regardait un chêne vert avec une compassion affectée, car en hiver, ils étaient très jaloux des arbres verts. « Oh là !» répliqua le chêne vert ironique, « quelle délicieuse chose de se sentir confortablement boutonné jusqu'au menton et de vous voir, vous autres pauvres créatures, nues et tremblantes !» Cette riposte les rendit moroses, bien qu'en réalité, ils fussent résignés à leur sort. Ils firent à Mamie une sombre peinture des dangers auxquels elle s'exposerait si elle insistait pour aller à ce bal. Elle apprit d'un coudrier pourpre que la cour n'avait pas sa bonne humeur habituelle à cause des peines de cœur du duc de Christmas Daisies. C'était une fée orientale de sexe masculin et qui souffrait d'un mal horrible, l'incapacité d'aimer. Il avait déjà essayé plusieurs fois dans différents pays, mais il n'avait jamais pu y réussir. La reine Mab, qui gouverne les jardins, avait eu l'espoir que ses filles le charmeraient, mais hélas, son cœur, dit le docteur, est resté froid. Cet insupportable docteur, qui était son médecin particulier, tâtait le cœur du duc aussitôt qu'une dame lui était présentée, et chaque fois il hochait sa tête chauve en murmurant « Froid, tout à fait froid ». Naturellement, la reine Mab se crut déshonorée. Tout d'abord, elle ordonna à sa cour de se plonger dans les larmes pendant 9 minutes. Ensuite, elle condamna les jeunes amours à porter le bonnet d'âne jusqu'à ce qu'ils parvinssent à dégeler le cœur glacé du duc. « Ah, ce que je voudrais voir les amours avec leur cher petit bonnet d'âne !» s'écria Mamie. Et aussitôt elle courut les chercher, ce qui était très imprudent, car Cupidon n'aime pas que l'on se moque de lui. Il est toujours très facile de découvrir où se tient un bal de fées, car les rues sont tendues de rubans tout alentour, afin que les invités puissent arriver sans mouiller leurs escarpins. Ce soir-là, les rubans étaient rouges et faisaient un très bel effet sur la neige. Mamie suivit un de ces rubans pendant un certain temps sans rencontrer personne. À la fin, elle vit une cavalcade de fées qui s'approchait. À sa surprise, elle paraissait revenir du bal. Elle eut juste le temps de se dissimuler en pliant les genoux et en étendant les bras pour figurer une chaise de jardin. Il y avait 6 cavaliers en avant et 6 en arrière. Entre ces 2 escortes marchait une grande dame avec une longue traîne tenue par 2 pages, et sur cette traîne, comme si c'était un hamac, était étendue une belle fille. C'est ainsi que voyage d'habitude l'aristocratie des fées. Elle était habillée en pluie d'or, mais la partie la plus enviable de sa personne, c'était son cou, qui était bleu et qui avait la douceur du velours, laissant voir naturellement un collier de diamants comme aucune gorge d'albâtre n'en a jamais porté. Les fées de haute naissance arrivent à cet admirable effet en se piquant la peau. Leur sang bleu afflue à la surface et leur teint la peau. Vous ne pouvez pas imaginer quelque chose d'aussi éblouissant, à moins que vous n'ayez vu des bustes de femmes aux devantures des joailliers. Mamie remarqua aussi que les gens de la cavalcade semblaient être dans une grande colère. Allongeant le nez plus qu'il ne convient même à des fées de l'allonger, et Mamie en conclut qu'il devait s'être présenté un nouveau cas où le docteur avait dit « froid, tout à fait froid ». Elle suivit donc son ruban jusqu'à un endroit où il faisait le pont au-dessus d'un bourbier. Une fée était tombée dans ce bourbier et elle était incapable d'en sortir. D'abord, cette petite dame fut effrayée de voir Mamie, qui très gentiment s'était portée à son secours. Mais bientôt, elle s'assit sur sa main et commença à causer gaiement, disant qu'elle se nommait Brownie et que, quoique simple chanteuse des rues, elle avait résolu d'aller au bal pour voir si le duc voudrait d'elle. « Sans doute, dit-elle, je suis plutôt laide, et cela mit Mamie dans l'embarras, car en réalité la pauvre créature était presque tout à fait laide pour une fée. Il était difficile de répondre. « Je le vois bien, dit Brownie, en balbutiant. Vous croyez que je n'ai aucune chance de réussir ?»« Je ne dis pas cela, répondit Mamie poliment. Sans doute, votre visage est un peu simple, mais Franchement, elle se sentait tout à fait gênée. Heureusement, elle se souvint qu'un jour, son père était allé dans un bazar à la mode où les plus jolies femmes de Londres étaient exposées et où l'on pouvait les voir pour 3 francs. En rentrant chez lui, au lieu de remarquer la laideur de la mère de Mamie, il lui avait dit « Tu ne peux pas t'imaginer, ma chère, combien cela repose de retrouver une bonne figure sans prétention. » Mamie raconta donc cette histoire qui réconforta grandement Brownie. Elle n'eut plus le moindre doute que le duc ne lui donnât la préférence. Elle courut donc en toute hâte sur le ruban en criant à Mamie de ne pas la suivre, car la reine lui ferait du mal. Mais la curiosité de Mamie l'entraîna. La voilà près des 7 châtaigniers d'Espagne, où elle vit une magnifique lumière. Elle se faufila jusqu'à ce qu'elle fût tout près, et là elle regarda, cachée derrière un arbre. La lumière, qui était comme un globe au-dessus du sol, provenait de milliers de vers luisants qui, se tenant les uns les autres, formaient une sorte de dais au-dessus du cercle des danseurs. Il y avait des milliers de petits spectateurs, mais ils demeuraient dans l'ombre et ils avaient l'air de souillons comparés aux glorieuses créatures admises dans le cercle lumineux. Elles étaient si étrangement brillantes que Mamie clignotait fortement des yeux chaque fois qu'elle les regardait. Il était surprenant et même irritant, à son avis, que le duc de Christmas Daisies pût rester un moment sans tomber amoureux, et cependant sa sombre grâce ne connaissait pas encore l'amour. On pouvait s'en rendre compte à l'air honteux de la reine et de sa cour, qui prétendait toutefois ne pas s'en soucier, à la façon dont les chères dames amenées devant lui pour briguer ses suffrages fondaient en larmes quand on leur disait de se retirer. Et enfin, à l'aspect infiniment lugubre du duc. Mamie voyait aussi le docteur solennel qui tâtait le cœur du duc et l'entendait pousser son cri de perroquet. Elle plaignait surtout les pauvres amours qui se tenaient dans un coin sombre avec leur bonnet d'âne, et chaque fois qu'ils entendaient le cri, froid, tout à fait froid, baissaient leur petite tête chagrine. Elle était contrariée de ne pas voir Peter Pan, et je ne veux pas tarder à vous dire pourquoi il était en retard ce soir-là. C'était parce que sa barque avait été prise sur la Serpentine entre des champs de glace flottante. Il avait dû s'ouvrir un passage avec sa fidèle pagaie au milieu de périls sans nombre. Jusqu'alors, les fées ne s'étaient guère aperçues de son absence, car elles ne pouvaient pas danser. Elles avaient le cœur trop gros. Elles oublient tous leurs pas quand elles sont tristes, mais elles les retrouvent quand elles sont joyeuses. David prétend que les fées ne disent jamais « nous sommes heureuses », mais « nous sommes d'humeur à danser ». Eh bien, ce soir-là, elles paraissaient d'une humeur tout à fait contraire. Lorsque tout à coup des éclats de rire partirent d'un groupe de spectateurs, c'était Brownie qui venait d'arriver et qui insistait pour être présenté au duc. Mamie se porta en avant avec une vive curiosité pour voir le sort qui attendait son amie, bien qu'en réalité elle n'eût aucun espoir. Personne du reste n'avait d'espoir, sauf Brownie elle-même, qui était absolument sûre de son succès. Elle fut donc conduite devant sa grâce, et le docteur, portant un doigt distrait sur le cœur ducal qu'il atteignait par convenance au moyen d'une petite trappe ouverte dans sa chemise de diamant, commençait à dire machinalement « froid tout à » quand il s'arrêta subitement. « Qu'est-ce donc ? » s'écria-t-il. Et d'abord il agita le cœur comme une montre, puis il y appliqua son oreille. « Sur mon âme !» dit le docteur. et il va sans dire qu'en ce moment l'émotion était à son comble parmi les spectateurs. À droite et à gauche, on ne voyait que des fées qui tombaient en défaillance. Chacun, sans prendre haleine, fixait les yeux sur le duc, qui était absolument épouvanté et qui paraissait vouloir s'enfuir. On entendit le docteur qui murmurait « Dieu m'assiste !» Et maintenant le cœur du duc devait être en feu, car le docteur retira vivement ses doigts et les mit dans sa bouche. L'attente était angoissante. Alors, à très haute voix et s'inclinant très bas, « Monseigneur, dit le médecin d'un ton triomphant, j'ai l'honneur d'informer votre excellence que votre grâce est amoureuse. » Vous voyez d'ici l'effet de ces paroles. Brownie ouvrit ses bras au duc qui s'y laissa tomber. La reine tomba dans les bras du grand chambellan et les dames de la cour tombèrent dans les bras de ces messieurs. Car l'étiquette veut qu'elles suivent en tout l'exemple de la reine. Ainsi, en un moment, 50 mariages environ furent célébrés, car tomber dans les bras l'un de l'autre, c'est un mariage de fées. Naturellement, il faut qu'un prêtre soit présent. Quels applaudissements parmi la foule et quels trépignements de joie! Les trompettes retentirent, la lune parut, et aussitôt des milliers de couples se suspendirent à ses rayons, comme si c'étaient des rubans dans une danse de mai, et valsèrent dans un sauvage abandon autour du cercle des fées. Le plus gai de tout, c'était de voir les amours s'arracher de la tête les odieux bonnets d'âne et les jeter en l'air le plus haut qu'ils pouvaient. Mais alors, Maimie apparut et gâta ce beau spectacle. Elle ne put y résister, elle était folle de plaisir de la bonne chance de sa petite amie. Elle s'avança donc jusqu'au milieu du cercle et s'écria dans un transport de joie « Oh, comme c'est splendide! Oh, Brownie !» Tout le monde fut stupéfait. La musique cessa, les lumières s'éteignirent, tout cela en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Maimie eut horriblement conscience du danger qu'elle courait. Elle se rappela, mais trop tard, qu'elle était une enfant égarée dans un endroit où nul être humain ne doit se trouver entre la fermeture et l'ouverture des portes. Elle entendit la rumeur d'une foule en colère. Elle vit 1000 épées avides de son sang. Elle poussa un cri de terreur et prit la fuite. Comme elle courut, les yeux lui sortaient de la tête. Maintes fois elle tomba, se releva promptement, reprit sa course. La frayeur lui faisait perdre la tête à tel point qu'elle ne se souvenait plus qu'elle était au jardin. La seule chose qu'elle savait bien, c'est qu'elle ne devait jamais cesser de courir, et elle croyait encore courir longtemps après, alors qu'elle était tombée sous les figuiers et commençait à s'endormir. Quand les flocons de neige tombèrent sur son visage, elle crut que c'était sa mère qui l'embrassait en lui souhaitant bonne nuit. La neige qui la couvrait lui semblait une chaude couverture de laine, et elle essayait de la tirer sur sa petite tête, et quand elle entendit parler dans ses rêves, elle crut que c'était sa mère qui amenait son père à la porte de sa chambre pour la voir dormir. Mais c'était les fées. Je suis heureux de pouvoir vous dire qu'elle ne lui voulait plus aucun mal. Quand elle s'était enfuie, elle faisait retentir l'air de cris perçants, « Égorgez-la, changez-la en quelque chose d'horrible » et d'autres aménités du même genre. Mais la poursuite fut ajournée pour décider qui marcherait en tête, et cela permit à la duchesse Brownie de se jeter aux pieds de la reine et de lui demander une grâce. Chaque nouvelle mariée avait droit à une grâce. Celle-ci demanda comme grâce la vie de Maimie. « Excepté cela, » répondit la reine Mab sévèrement, et toutes les fées reprirent en chœur tout excepté cela. Mais quand elles apprirent de quelle façon Mamie était devenue l'amie de Brownie et lui avait donné la possibilité d'aller au bal pour leur bon renom et leur plus grande gloire, elles poussèrent trois hurrahs pour la petite humaine et se rangèrent comme une armée pour aller la remercier, la cour en tête, accompagnée de son cortège de vers luisants. On découvrit sur la neige les traces de Mamie et on la trouva complètement enfouie sous la neige au milieu des figuiers. Mais il était impossible de lui adresser de remerciements car on ne parvenait pas à la réveiller. Le nouveau roi la mit cependant debout et lui lut une longue adresse de bienvenue. Mais l'enfant n'entendit pas un mot de ce beau discours. On avait beau écarter la neige qui tombait sur elle, elle était aussitôt recouverte de nouveau. Et l'on vit qu'elle courait le danger de mourir de froid. Le docteur proposa de la changer en quelque chose qui ne craint pas le froid, et cela parut une bonne idée. Mais la seule chose qui leur parut ne pas craindre le froid, c'était un flocon de neige. « Mais elle pourrait fondre, objecta la reine, de sorte que l'on dut abandonner cette idée. On fit une belle tentative pour la transporter dans un lieu plus abrité, mais malgré le nombre considérable des fées, Mamie était beaucoup trop lourde pour elle. Pendant ce temps, toutes les dames pleuraient dans leurs mouchoirs. Enfin, les petits amours eurent une bonne idée. « Bâtissons une maison autour d'elle, » dirent-ils. Et aussitôt, tout le monde comprit que c'était la seule chose à faire. En un instant, des centaines de fées scieuses firent tomber les branches des arbres. Des architectes entourèrent Mamie, la mesurant en tous sens. Une cour en briques surgit à ses pieds. 75 maçons accoururent avec les pierres des fondations, et la reine posa la première. Il y eut des goujats pour éloigner les enfants ou dresser des échafaudages. On n'entendait que les coups de marteau, le grincement des ciseaux, les tours d'ébéniste. Pendant ce temps, la toiture était achevée, et les vitriers mettaient déjà les vitres aux fenêtres. La maison était exactement de la taille de Mamie et tout à fait charmante. L'enfant avait un de ses bras étendu, ce qui embarrassa un moment les architectes. Mais ils imaginèrent de faire le long du bras une véranda qui conduirait à la porte principale. Les fenêtres étaient de la dimension d'une image ordinaire et la porte un peu plus petite, mais Mamie pourrait sortir facilement en soulevant le plafond. Les fées, suivant leur habitude, battirent des mains avec délice et se félicitèrent de leur habileté, mais elles étaient si follement éprises de leur petite maison qu'elles ne pouvaient pas supporter l'idée de la voir achevée. Elles y ajoutèrent donc plusieurs perfectionnements, et puis d'autres, et puis encore d'autres. Ainsi, deux d'entre elles apportèrent une échelle et placèrent une cheminée. « Maintenant, soupirèrent-elles, la petite maison est bien terminée. » Mais non, et deux autres reprirent l'échelle et fixèrent un peu de fumée à la cheminée. « C'est bien fini cette fois, » dirent-elles avec regret. « Pas du tout, » dit un ver luisant. « Si la belle se réveille et ne trouve pas sa veilleuse allumée, elle pourrait s'effrayer. Je veux être sa veilleuse. »« Attendez un instant, » dit un marchand de faïence. « Je vais vous adapter à un bougeoir. » Maintenant, hélas, il n'y avait plus rien à faire. « Mais si, » s'écria un bronzier, « il n'y a pas de marteau à la porte. » Il en plaça un aussitôt. Un quincailler imite un décrottoir et une vieille femme accourut avec un paillasson. Les tonneliers apportèrent un seau de gouttière et les peintres insistèrent pour la peindre. Enfin, c'est fini. « Fini ? » s'écria un plombier en colère. « Comment une maison peut-elle être finie avant d'avoir des robinets à eau chaude et à eau froide ?» Il posa donc des robinets. Puis arriva toute une armée de jardiniers, avec des charrettes enchantées, des bêches, des graines, des oignons, des serres chaudes, et immédiatement ils plantèrent un jardin à droite et un potager à gauche de la véranda. Les murs furent couverts de roses et de clématites, et en moins de 50 minutes, toutes ces jolies choses furent en pleine floraison. Oh, qu'elle était belle à présent, la petite maison! Mais cette fois, elle était véritablement terminée. Les fées durent la quitter et retourner au bal. Chacune lui envoya des baisers avant de s'en aller, et la dernière qui s'en alla fut Brownie. Elle resta un moment après les autres et jeta à Mamie un doux rêve par la cheminée. Pendant toute la nuit, l'exquise petite maison resta là sous les figuiers, veillant sur Mamie qui ne s'en doutait pas. Elle dormit jusqu'à ce que le rêve fût achevé et se réveilla, se sentant délicieusement à l'aise au moment où le matin sortait de sa coquille. Elle avait encore un peu sommeil. Cependant, elle appela Tony, car elle se croyait à la maison dans la chambre des enfants. Comme Tony ne répondait pas, elle s'assit, et ce faisant, sa tête heurta le toit, qui se souleva comme le couvercle d'une boîte, et à sa grande surprise, elle vit tout autour les jardins de Kensington tout couverts de neige. Voyant qu'elle n'était pas à la maison, elle se demanda si c'était bien elle. Alors, elle se pinça les joues et s'assura que c'était bien elle. Enfin, elle se souvint qu'elle était au milieu d'une grande aventure. Elle se rappelait maintenant tout ce qui lui était arrivé depuis la fermeture des portes jusqu'à sa fuite du bal des fées. Mais elle se demandait comment elle était entrée dans cet étrange refuge. Elle enjamba le toit et se trouva dans le jardin. Ce n'est qu'alors qu'elle vit la jolie maison où elle avait passé la nuit. Elle en fut tellement ravie qu'elle ne pensa plus à autre chose. « Oh, chère, oh, douce petite maison » dit-elle. Sans doute cette voix humaine effraya la petite maison, ou peut-être comprit-elle que sa mission était finie, car dès que Mamie eut parlé, elle commença à diminuer. Elle diminuait si imperceptiblement que Mamie s'en apercevait à peine. Mais bientôt, elle vit bien qu'elle ne pourrait plus y rentrer. La maisonnette était toujours aussi parfaite, mais elle devenait de plus en plus petite. Le jardin décroissait en même temps, et la neige l'enserrait de plus en plus, enveloppant sans cesse maison et jardin. La maisonnette était maintenant comme la niche d'un tout petit chien, et cependant on distinguait la fumée de la cheminée, le marteau de la porte, les roses sur le mur, le tout en parfait état. Le ver luisant s'évanouissait aussi, mais on le voyait toujours. « Ma chérie, ma toute belle, ne t'en va pas !» s'écriait Mamie en se mettant à genoux. Car la petite maison était maintenant de la dimension d'un dévidoir de fil et toujours aussi parfaite. Mais comme Mamie tendait ses petits bras suppliants, la neige monta de tous côtés et finit par ne plus faire qu'une couche. À la place où s'élevait la petite maison, on ne voyait plus qu'une nappe de neige ininterrompue. Mamie frappa du pied avec dépit et porta ses mains à ses yeux. Mais tout à coup, elle entendit une douce voix qui lui disait « Ne pleure pas, la belle humaine, ne pleure pas !» Alors elle se retourna et vit un joli petit garçon tout nu qui la regardait avec intérêt. Elle comprit aussitôt que ce devait être Peter Pan.